Check. Oh. Est-ce comme ça, faut que j'y retourne, cousin. Ça déboule par la gauche. Ça déboule par la droite. Pour rencontrer le pénètre. Personne n'a les mains moites. Ça commence par la triche. On a poursuivi de l'eau. Le but c'est pas d'être riche. C'est d'être plus jamais pauvre. Il n'y a pas d'horizon. T'accroches des dîmes le jour. On a tous vécu pire. Alors ça pèse le tour. Alors ça pèse le contre. Ça pèse le mammifère. Tu sautes la rue, c'est sombre. Et tu vas rien y faire. Ah ouais, elle faisait toutes les folles. Mais mon petit frère garde espoir. Ma gueule, si je veux tous les soirs. Je pèse la plus bonne de l'école. Et pas de modèle, pas d'idole. Personne pour nous faire des sens. Avec monsieur Alexandre, au sommet du Capitole. J'ai Baccarat ou ma carapée. C'est le harapène. Une nouvelle guerre tous les matins. Prendre mes patins, c'est pas la peine. Et je suis qu'un homme, on me fait du mal. J'ai Hamdoula tous les jours. R.A.S. comme Kalashnikov. Et je fais du buzz et je fais des tours. Baccarat, bang. J'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur. Training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day. J'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur. Training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day. On pose le front au sol. Dieu m'a tellement manqué. J'ai fait mes arts de coq. Et sur temps les banquiers. T'as des épaules solides. Des vaillants sacrés cœurs. Mais arrête de mentir. Voir la mort ça fait peur. Gros y'a pas de forêt sans loup. Gros y'a pas de degré sans nous. J'suis qu'un humain, j'fais des erreurs. J'peux pas être parfait dans tout. J'suis rassé sur les remparts. Frère on monte à garde, on veille. Ils savent tous que ça fait longtemps qu'on fait plus ça pour l'oseille. Ils savent tous de quoi j'suis capable. Première main tu te couches ou paye. J'pose une major à chaque table. J'déclenche une guerre de bouteilles. Et c'est trop pour rien mon chipé. Ici t'entends dans les Balkans. Tu fais ton con dans Pristina. C'est fait un songo des Balkans. Vaca, loup, bang. J'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur. Training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day, training day. J'pilote le navigateur, j'pilote le navigateur.